Chapitre 5e, le dossier du baron de Lavernay. Pendant que le docteur Cabarrok s'organisait à la petite comédie dont le dénouement devait être l'introduction de Scabieuse dans l'hôtel de la rue de Varennes, Flavia, de son côté, ne demeurait pas inactive. Quant à John Colfax, aux yeux duquel la loi de Lynch était le dernier mot de la civilisation, s'il eût suivi ses inspirations instinctives, le crime de la duchesse une fois prouvé, il se fût emparé d'elle et l'eût fait brancher dans le premier bois venu. Aussi sa fille adoptive eut-elle beaucoup de peine à lui faire comprendre que ce mode de justice primitive, employé avec succès en Amérique, ne pouvait s'appliquer en France et qu'un gendarme ou le premier garde champêtre saisirait bel et bien au collet celui ou celle qui s'aviserait de recourir à des procédés aussi expéditifs. « Mais enfin, quels sont vos projets ?» lui demanda un jour Sir John Colfax. « J'ai été frappé dans mon honneur, » répondit Flavia, « et je ne puis frapper la duchesse dans le sien. Mais quand j'aurai acquis, comme je l'espère bien, la preuve de son crime, je lui infligerai l'épouvantable châtiment de voir couler les larmes de ses enfants sans qu'elle puisse les sécher. « Très bien, c'est une vengeance comme une autre, » répliqua froidement l'Américain. « Mais comment vous y prendrez-vous pour atteindre le but que vous vous proposez ?» Flavia allait s'expliquer quand un domestique entra. « Monsieur Salavert, » demande si mademoiselle peut le recevoir. « Oui, » répondit-elle. Un instant après, la porte s'ouvrit de nouveau et Salavert parut. Flavia était si convaincue de la culpabilité de Madame de Vallombreuse qu'elle avait résolu, sans vouloir attendre que sa conviction fût appuyée par des preuves matérielles, de prendre toutes ses mesures pour entrer en campagne dès que l'heure serait venue. « M'apportez-vous les renseignements que je vous ai demandés sur le jeune duc ?» dit-elle au maître clerc. « Oui, mademoiselle, » répondit Salavert. « De plus, je peux me procurer certains détails d'un très haut intérêt sur le baron de Lavernay. » Le père du procureur de la République qui a obtenu ma condamnation ? Interrompit Flavia Morin avec un tressaillement. Précisément, il y a en germe, dans ce que j'ai recueilli sur son compte, un drame superbe qui n'aurait besoin que d'être un peu réchauffé pour éclore. Par lequel des deux, du baron de Lavernay ou du jeune duc de Vallombreuse, voulez-vous que je commence ? Nous laissons le choix à votre appréciation, reprit Sir John Colfax. Alors, si vous le permettez, je débuterai par le baron. « Je vous écoute, » dit Flavia, en invitant Salavert à s'asseoir. « Le baron Horace de Lavernay, » dit le maître clerc, « possédait autrefois une fortune assez ronde, environ 20 000 francs de revenus en bienfonds. Il mena dans sa province jusqu'à l'âge de 45 ans la vie de gentilhomme campagnard. Il chassait une partie du temps, buvait sec, et quoique marié, il courtisait, lorsqu'elles étaient jolies, les filles de ses fermiers. En un mot, c'était un bon diable. Il vivrait encore de cette vie-là aujourd'hui si la cupidité ne l'avait point tenté. Peu après la mort de sa femme, il y a 8 ou 9 ans, un de ces prospectus que lancent certains industriels pour piper l'argent des provinciaux lui tomba sous la main. Il s'agissait de la création d'une société au capital énorme de 50 millions, ayant pour objet le dessèchement de la Camargue. Aujourd'hui, c'est ainsi qu'on procède lorsqu'on veut lancer une affaire, bonne ou mauvaise, et les actionnaires rarement font défaut. Les fallacieuses promesses contenues dans ce prospectus firent ouvrir de grands yeux au naïf baron. Sa tête fermenta, il se tint ce petit discours. « Mes fermes, mes bois et mes moulins me donnent à grand-peine 3%. En convertissant mon bien en espèces sonnantes et en les mettant dans cette magnifique entreprise, j'aurai en quelques années doublé mon capital. J'ai un fils, je lui compterai, lorsqu'il se mariera, 200 000 francs, et malgré cette saignée, je serai 3 fois plus riche que devant. » Le baron avait une sœur avec laquelle il habitait, une vieille fille, son aînée de 6 ans, fort dévote et fort avare. Et comme leur bien était indivise, il lui fallait son consentement pour pouvoir vendre l'immense patrimonial. La vieille demoiselle ne voulait à aucun prix consentir à échanger son vieux château et ses bonnes terres contre des chiffons de papier. Il eut beau jurer, tempêter, elle fut inflexible. « Vendez votre part, Horace, » lui dit-elle. « Moi, je conserverai la mienne intacte, et si, comme je le crains fort, vous dissipez votre fortune dans vos spéculations, vous serez heureux de trouver un gîte et un couvert dans mon vieux manoir. » Cette prophétie s'accomplit. En moins de 5 ans, Les actions de la société dite du dessèchement de la Camargue avaient perdu 95% et de toute sa fortune passée, il ne resta plus au baron de la Vernay qu'une trentaine de mille francs. Il s'en va alors, l'oreille basse, auprès de sa sœur, qui lui donna, ainsi qu'elle l'avait promis, une place à sa table et à son foyer. « Jusqu'à présent, je ne vois rien de bien intéressant dans tout ceci, » dit Flavia à Salavert. « Attendez la fin, » répondit le maître clerc, et il poursuivit. Dès que le baron se vit ruiné, il n'eut plus qu'une pensée, reconstituer autant que possible sa fortune, et il devint joueur. « Joueur ?» fit la jeune fille. « Mais pour jouer, il faut avoir beaucoup d'argent, et 30 000 francs sont bien vite dévorés. Sans doute, mais il ne joue ni aux cartes, ni à la bourse. « À quoi donc joue-t-il » demanda Sir John Colfax avec étonnement. « Il joue sur la mort de sa sœur, » reprit Salavert. « Ah !» dit Flavia. « Voilà en effet qui prend tournure. » Salavert, après un instant de silence, poursuivit. Le baron de la Vernay a assuré, il y a 5 ans, pour la somme de 200 000 francs, la vie de Madame Athénaïs, c'est le nom de la vieille fille, à l'une des compagnies d'assurance les plus importantes de Londres. Mais comme chaque année, il est obligé de verser 13 600 francs, son petit capital y a passé en 2 ans. Il a dû contracter depuis 3 années des emprunts à droite et à gauche pour payer sa police d'assurance. Aujourd'hui, il n'a plus de crédit nulle part, et si sa sœur n'est pas morte d'ici à 7 ou 8 mois, non seulement tous ses versements jusqu'à ce jour seront perdus, mais il se sera endetté d'une 40 000 francs qu'il ne pourra jamais rembourser. « Oui, oui, la chose se complique, » murmura Flavia devenue toute pensive. « Dites qu'elle se corse fortement, » répliqua le maître clerc. « Le baron est, comme on dit vulgairement, au bout de son rouleau. Et il voudra à tout prix sortir de cette impasse, et j'entrevois à l'horizon des nuages gros de tempête. C'est tout ce que vous avez ?»« Tout jusqu'à présent, mademoiselle. »« Comment avez-vous appris cette histoire d'assurance ?» demanda John Colfax à Salavert. « Un des principaux courtiers en France de cette compagnie anglaise est mon compatriote, » répondit le maître clerc. « Et il faudra surveiller les faits et gestes du baron de la Vernay, » interrompit Flavia. « Parbleu, » fit Salavert d'un ton superbe. « Et son fils, je n'ai rien trouvé qui méritât de vous être signalé. C'était un jeune homme rangé, laborieux, instruit, un jeune magistrat d'avenir, enfin. « Passons maintenant au jeune Octave, » dit l'ex-institutrice.